Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce vendredi 4 février 2022, dont voici le sommaire. Le 4 février de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de lutte contre le cancer. Les Burundais souffrant de cette maladie disent éprouver des difficultés de se faire soigner. Analyse ce vendredi par les députés du projet de loi portant prévention et répression de la cybercriminalité au Burundi. Plus de 400 personnes ont été arrêtées pour ces faits de cybercriminalité en 2018, selon les données du ministre Gervais Ndira Kobucha. Et en page éducation, les frais pour enseignants bénévoles devraient être payés par tranche tout au long de l'année scolaire afin de ne pas fatiguer les parents. Ce sont les propos de certains parents de la commune Manda qui disent que cela a été aussi une cause de recouvrement difficile. Vous les entendrez dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakidimana et présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Encore une fois, bienvenue. Le ministère de l'Intérieur, la Sécurité publique et le Développement communal indiquent que plus de 400 personnes ont été arrêtées au Burundi en 2018 pour des faits de cybercriminalité. Gervais Ndira Kobucha, invité du jour à l'Assemblée nationale ce vendredi, a fait savoir que compte tenu de l'évolution, une loi qui permet de lutter contre ce type de criminalité s'avère indispensable. Je vous invite à le suivre. Au Burundi, la jurisprudence burundaise a révélé des situations juridiques dans lesquelles les systèmes informatiques, les données informatisées, les réseaux informatiques sont la cible d'agissements cybercriminels. Au Burundi, et pour la seule année 2018, 462 personnes ont été arrêtées pour les faits de cybercriminalité. 1373 plaintes ont été enregistrées, tandis que 126 personnes ont été condamnées malgré l'insuffisance des moyens d'enquête et les lacunes dans la législation burundaise. La loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal en son titre 6 traitant des crimes et délits de nature économique et contre la chose publique, le chapitre 5 comporte uniquement 4 articles sur la criminalité informatique. Il s'agit d'une lacune préjudiciable à l'administration de la justice en matière de cyberdélinquance. Cette situation place le Burundi parmi les cibles privilégiées des délinquants du cyberespace qui peuvent s'attaquer à la population à partir de l'étranger ou de l'intérieur du pays. Compte tenu de cette évolution, le Burundi doit se doter d'une loi qui lui permet de lutter contre ce type de criminalité qui prend un développement spectaculaire avec des effets dévastateurs. Il est nécessaire d'élaborer une loi spécifique de lutte contre la cybercriminalité au Burundi pour compléter le dispositif pénal existant. La cohésion nationale des Burundais doit faire le débat du fait quel est le fondement pour qu'elle puisse se développer. Propos du président de la PARCEM, Faustin Ndikumana, dans une conférence de presse de ce vendredi. Il explique que cette cohésion, elle est possible, surtout que les Burundais ont beaucoup de choses en commun. C'est au moment où le Burundi s'apprête à célébrer ce samedi 31 ans après la mise en place de la charte de l'unité nationale. Au moment où nous apprêtons à célébrer 60 ans d'indépendance du Burundi et la veille de la célébration de la fête nationale de l'unité, PARCEM voulait lancer un plaidoyer national pour qu'il y ait un débat fort sur la thème qui nous est cher, qui est la cohésion nationale. La cohésion nationale est un préalable pour qu'un pays puisse s'assurer une stabilité politique, une prospérité et un décollage économique. Qu'est-ce que l'on commande par la cohésion nationale? C'est ce sentiment exprimé par les citoyens d'appartenance nationale à une même nation, quelle que soit leur diversité, un vrai vouloir vivre collectif qui s'exprime, un partage d'un passé commun, d'un avenir commun, l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous, l'égalité des chances. Les citoyens considérés, même façon. Il faut aussi, et la cohésion se fonde aussi sur l'exemple des classes moyennes. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, une petite classe qui s'enrichit de façon démesurée et une grande partie de la population qui croupit dans une misère, alors que même ceux qui s'enrichissent ne le font pas à partir des activités génératrices de revenus visibles. C'est pour cela que nous interpellons la conscience de chaque Burundais de faire son introspection par rapport à cette situation. Il est grand temps alors que le leadership nouveau nous fasse oublier pour nous orienter vers une trajectoire nouvelle qui est salvatrice. Et certes, nous disons notre contribution pour que la situation change. Nous disons que, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, et pour construire une nation prospère et forte et avec une cohésion solide, c'est à trois niveaux. D'abord, il y a une fondation, il y a les piliers et il y a la toiture, comme on construit une maison. La fondation, ce sont les acquis, les atouts dont dispose le pays pour raffermir cette cohésion. Deuxièmement, on a une même culture et une même langue. Il y a aussi les deux accords qu'on a. La charte de l'unité et l'accord d'Arusha pour la réconciliation. 13h passées de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal continue. Le Conseil national des jeunes devrait être inclusif compte tenu de leur diversité. Au moment où les préparatifs des élections des organes de ce conseil est en cours, le président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi estime que les jeunes des partis politiques autres que celui au pouvoir s'intéressent moins de ce conseil suite à leur non-représentativité. Kefani Widzi appelle plutôt tous les jeunes à participer aux élections programmées pour vider les inquiétudes. Suivez-le au micro de Omer Ndouayou. Ce Forum national des jeunes, il s'agit d'un organe qui a été mis en place pour constituer des cadres d'expression aux jeunes à travers lesquels ils pouvaient exprimer les difficultés, les problèmes qu'ils ont, mais aussi où ils pouvaient donner des propositions à ce qui est de différents projets qui sont en train d'être réalisés dans le pays. Et ça pouvait aussi être un cadre qui leur permet d'une organisation d'autodéveloppement, notamment en ce qui est de renforcement des capacités ou la mise en place des projets des jeunes. Ce forum devrait aussi aider la jeunesse à ne pas participer dans les actions qui pourraient perturber la paix et la sécurité dans le pays. C'est un forum qui devrait être inclusif, compte tenu de différentes composantes de la société burundaise, à ce qui est de la communauté sociale, donc au niveau ethnique, au niveau du genre, mais aussi au niveau politique. Les comités, les représentants de ce forum devraient refléter ces diversités ethniques, politiques et du genre pour qu'ils soient plus représentatifs que possible. Donc, on doit faire pour que cette inclusivité soit réelle. Ce qu'on devrait faire, c'est que tout commence au niveau des collines. On invite tous les jeunes, que ce soit les jeunes affiliés aux partis politiques ou des jeunes qui ne sont pas dans les partis politiques, il faut qu'ils participent massivement dans ces élections collinaires parce que ce sont les élites collinaires qui vont donner l'image de ce qui va suivre. Même s'il advenait qu'on constate qu'au niveau communal, au niveau provincial, il y a un groupe, soit politique ou ethnique ou du genre, qui est sous-représenté, on devrait y mettre une attention particulière pour que dans chaque province, les trois diversités que nous avons citées donc, soient toujours là dans la conscience des comités et de ce forum au niveau local, voire même au niveau national. Et du côté du parti UPRONA, il souhaite qu'il y ait plus d'inclusivité dans l'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, le président de ce parti estime que si l'organisation de ce conseil reste telle qu'elle était depuis 2015, ce conseil risque d'être comparé à une ligue d'un parti politique. Suivez Olivier Nkurunziza. Et avoir la mission du Conseil de la jeunesse, c'est pour bien sûr essayer de rassembler tous les jeunes pour pouvoir étudier les questions qui concernent la jeunesse. En 2015, ce que nous avons constaté, nous-mêmes sur terrain, on a vu que la grande majorité de ceux qui se retrouvaient dans les organes à partir de la commune, province, jusqu'à même au niveau national, c'était la grande majorité les membres du parti au pouvoir, les organes qui sont en train d'organiser les élections. Aujourd'hui, nous avons vu qu'au niveau national, il y a les membres, c'est inclusif, des différents partis politiques, et même le parti Prona est représenté. Nous demandons que même à la base, ce soit ainsi, que ça reflète la confiance, que ceux qui vont organiser dans les collines et dans les communes soient vraiment des organes inclusifs pour que tout le monde participe, mais aussi que ça soit bien transparent. Alors, c'est ça ce que nous demandons, et de veiller à ce que ça ne soit pas de la même chose que ceux de 2015. Si ça revient de la même manière, ça sera un conseil qui sera comparé à une ligue d'un parti politique. au lieu d'être un conseil national. Alors nous demandons que ce soit vraiment un ligue de jeunes où il y a des jeunes des partis politiques, de sociétés civiles, des confessions religieuses différentes, pour qu'effectivement toute la jeunesse ait confiance de son conseil. Sinon, au contraire, nous avons aussi entendu qu'il y a un manque de moyens. On n'a pas vu beaucoup de choses, le conseil n'a pas travaillé, peut-être c'était nouveau, mais en tenant compte des activités qu'il devrait mener, et on a plaidé qu'il y a un manque de moyens. Il faut alors que le gouvernement, une fois mis en place ces organes, leur donne des moyens nécessaires pour que ces objectifs soient atteints. C'était Olivier Nkurunziza, le président du parti UPRONA. Le Burundi ne sera jamais confondu à aucun parti politique, d'où les dirigeants devraient à tout prix tout faire afin que tout le monde se sente impliqué. C'est du moins le point de vue du parti politique CNL à la veille de l'élection des organes dirigeants du Conseil national des jeunes. Le député Agathon Rwasa rappelle les autorités qu'ils sont là au nom de toute la nation. On l'écoute. Au micro de Jérôme Hakizimane. À l'époque du monopartisme, on comprendrait ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans un contexte de multipartisme, comment est-ce qu'on cherche toujours à gérer comme si on gère pour un parti politique? Les autorités doivent être conscientes d'une chose. Elles sont là au nom d'une nation. Et une nation se compose de toutes ses composantes, bien sûr. Et parmi ces composantes, il y a les partis politiques notamment. Comment est-ce que vous considérez seulement votre parti et vous ignorez le reste? Donc, je trouve que c'est quand même une lacune énorme. Il faut que les autorités pensent quand même à se ressaisir et à orienter les choses dans la bonne direction. Parce que ce Burundi ne sera jamais confondu à un parti politique quelconque. Ce Burundi restera le Burundi tant que le monde existe. Il serait donc plutôt bien de leur donner ce conseil, s'ils peuvent le prendre, de savoir que les attentes de la population sont énormes. Et là, c'est indistinctement de l'appartenance des uns et des autres. Tout le monde veut vivre dans la quiétude, tout le monde veut vivre dans un pays où il a des droits, où il a quand même une certaine considération. Aller en cherchant à privilégier une partie et à sembler ou faire semblant d'ignorer qu'il y a d'autres, c'est vraiment contre-productif. L'avenir de ce pays en dépend. Il serait mieux alors de repenser les façons ou les manières de faire pour que demain après demain, les Burundais se sentent toujours unis, se sentent réconciliés. Et ça, c'est le devoir des dirigeants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tout au début de ce journal, les Burundais souffrant de la maladie du cancer ont les difficultés de se faire soigner du fait qu'ils sont obligés d'acheter les médicaments à l'étranger. Propos de la présidente de l'Association burundaise des personnes atteintes du cancer au moment où le 4 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le cancer. Pour éradiquer cette maladie au Burundi, Agrippine Nyandwi demande au gouvernement de mettre en place un centre professionnel chargé de soigner les malades du cancer. Si on essaie de comparer avec les années qui viennent de s'écouler, nous pouvons dire qu'il y a une avancée en recevant le message qu'on a le cancer. Maintenant, les gens qui sont atteints du cancer parviennent à se faire soigner malgré qu'ils viennent à l'hôpital en ayant le cancer. Dans l'état avancé, le traitement s'est amélioré. Je dirais que c'est trop dire, mais quand même, on essaie d'aider les malades du cancer en faisant des chimiothérapies. On est sur la chimiothérapie, on n'a pas la radiothérapie parce que ici au Burundi, il n'y a pas la radiothérapie. On est sur la chimiothérapie seulement. Alors, on essaie de soulager les douleurs. Si on est en état avancé avec le cancer, on soulage les douleurs. Mais concernant tout le traitement du cancer, on n'est pas arrivé à ce stade. Mais il y a des hôpitaux qui ont ouvert des services d'aider les malades du cancer. Il y a des étapes que le gouvernement doit franchir pour qu'il y ait l'entrée facile de ces médicaments. Et notre défi, on pense au budget pour traiter le cancer. Une personne en soi ne peut pas se payer le traitement du cancer. Ça, la contribution de la famille, des amis, des connaissances. Sur ce, Le ministère en charge de la santé publique a déjà rédigé un projet pour la mise en place du centre de prise en charge des cancers. Trouver des restes des victimes de la tragédie de 1972 tout près du camp militaire de Ngozi n'est pas chose facile. Propos du commissaire chargé de la communication et de la recherche au sein de la commission Vérité et Réconciliation, car ce site abrite pour le moment un bon quartier aux maisons en dur. Il ajoute que des bourreaux ont accepté de témoigner des fosses situées au camp militaire. Le commissaire Aloïse Batungwanayo précise que ce travail se fait suite à la demande de la population de Ngozi qui dit avoir soif de connaître la vérité sur les événements de 1972 dans cette province. Suivez-le au micro d'Apollinaire Muzagara. Depuis le 31 janvier de cette année 2022, la commission, une équipe de la commission Vérité et Réconciliation se trouve en province de Ngozi pour 2 semaines. Nous sommes en Ngozi pour d'abord répondre à l'appel de la population de Ngozi qui ne cessait de nous interpeller de venir fouiller les fosses communes qui s'y trouvent. La deuxième chose est pour les écouter parce que la population de Ngozi se disait oubliée parce que nous avons été dans d'autres provinces et nous avons dit qu'il fallait répondre à cet appel pour écouter la population, pour écouter les victimes, les familles des victimes, pour écouter les présumés auteurs, afin de pouvoir établir les responsabilités au niveau de la province, parce que nous avons déjà établi les responsabilités au niveau national, les responsabilités individuelles, mais au niveau d'Ngozi, nous n'avions pas encore fait ce travail pour connaître qui sont les auteurs, probablement chercher les fosses communes. Et nous avons des informations sur les fosses communes. Nous sommes en train de fouiller. On n'a pas encore trouvé les fosses communes, mais nous continuons. Et je demande à la population de Ngozi de répondre à notre appel. Nous circulons dans toutes les communes pour faciliter le déplacement des témoins. Cette actualité en bref, la contribution financière annuelle des communes dont la banque des jeunes BIJE constitue jusqu'à présent un manque à gagner pour les communes, comme le précisent les administratifs dans les provinces Muramvya et Mwaro. Ils sont en train de sensibiliser les jeunes afin qu'ils aient accès à plus de crédits dans cette banque. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et les frais pour enseignants bénévoles devraient être payés par tranche tout au long de l'année scolaire afin de ne pas fatiguer les parents. Ce sont les propos de certains parents de la commune Manda qui disent que cela a été aussi une cause de recouvrement difficile et certains parents ont même préféré retirer leurs enfants de l'école. Le directeur communal de l'enseignement explique plutôt que le problème a été les responsables scolaires qui ont ajouté d'autres frais concernant d'autres besoins à l'école. Et on va boucler ce journal sur ce reportage du jour. La culture du thé a une place prépondérante dans la vie des théiculteurs. Cela est confirmé par les cultivateurs de cette culture d'exportation de la commune Lusaka en province Mwaro. Ils précisent que celui qui possède un champ théicole subvient facilement à ses besoins quotidiens. Le gérant du complexe théicole Dijenda indique que pour promouvoir cette culture, ces théiculteurs bénéficient de l'engrais à bas prix. Le reporter du jour, c'est Moïse Amisago. C'est l'un des théiculteurs des collines Kirambi et Guinare de la commune Lusaka. Les cultivateurs de cette région affirment que la culture du thé a une grande importance dans leur vie. Dans cette région, presque tous les habitants possèdent les champs de cette culture d'exportation, comme le dit Elini Tunga, l'un des théiculteurs. Considérant son utilisation et sa rémunération aux cultivateurs, le thé est très bénéfique car il est parmi les marchandises que nous vendons souvent. D'autres se vendent dans les marchés environnant cette région. Celui qui n'a pas de champ théicole dans cette région de Mugamba enregistre un manque à gagner selon Juvenal Barandaguié qui reconnaît la part de cette culture d'exportation dans sa vie. Celui qui n'est pas en possession du champ théicole perd beaucoup car c'est un produit très sollicité. La plus-value du thé est qu'il procure de l'argent aux cultivateurs, ce qui lui permet de survivre. Pour promouvoir cette culture d'exportation, L'éthéculteur bénéficie à bas prix de l'engrais chimique. Ingénieur Gilbert Ndaragakura, gérant du complexe agricole d'Igenda, explique que la quantité de l'engrais est en fonction de la superficie du champ. Et la quantité d'engrais distribuée est proportionnelle à la superficie du champ. Donc, ceux qui ont été surpris, c'est qu'il y avait des gens qui ne savaient pas le nombre d'oteillers qu'ils avaient et qui ne maîtrisaient pas leur superficie. Alors, ils ont vu parfois la quantité d'engrais monter parce qu'il y a eu recomptage et les techniciens ont trouvé que le nombre d'oteillers a monté en nombre élevé mais par rapport à ce qu'ils connaissaient. L'engrais dont bénéficient ces cultivateurs du thé est mélangé avec de la terre, chose qu'il n'accueille pas bien. Le gérant du complexe de l'école d'Igenda, ingénieur Gilbert Ndaragakura, explique le pourquoi de ce mélange. L'engrais que certains techniciens reçoivent n'est pas juste appliqué dans les champs. Cet engrais était orienté dans d'autres activités, alors que c'est l'engrais spécifique pour la culture du théier. Donc, cette décision a été généralisée, a été appliquée dans toute la culture du Burundi, pour augmenter la production. Parce que quand on mettait de la terre, c'était pour essayer de... Parce qu'il y avait des acheteurs qui achetaient ces engrais, alors que ces engrais étaient destinés à être épandus dans les champs de théier. Cette culture d'exportation a été introduite au Burundi vers les années 1932. Selon les données récemment publiées par l'Istebu, au deuxième trimestre de l'an 2021, le thé a été le premier produit d'exportation. Plus de 2300 tonnes ont été exportées et ont rapporté plus de 8 milliards de non-francs. Quant aux données de la Banque de la République du Burundi, elles indiquent que durant les 5 dernières années, la quantité de thé exporté ne cesse de diminuer. C'est sur ce reportage de Moïse Misago que nous mettons un point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakidzimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Raïssa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Au revoir.